Quand tu te rentres la caméra, oui, là, t'es couché sur le côté comme un bébé, là, tu sais, c'est super. Ouais. La pièce est noire, puis là, t'as un grand écran. Ils peuvent pas t'endormir. Ah, ah non, non, ben, non. Ben, ils peuvent, mais tu veux voir ça, là, en même temps. Oui, ben, tu veux pas le voir, mais tu... Non. Hey, c'est dedans de ton corps, Anne. Y a-tu quelque chose de plus beau? Moi, je regarderai pas. Je vais me mettre un petit loup sur les yeux. Ah, c'est correct. C'est correct aussi. Mais la curiosité va peut-être... Quand tu vas voir que ça fait rien, là, tu vas peut-être aller voir... Je serais curieuse peut-être du colon des autres, mais du mien... Ah, tu vois, mais c'est le contraire. Oui, probablement que c'est le contraire. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça me tente pas de voir le colon de mon voisin. Moi, j'ai pas envie de voir le colon de personne, même les gens que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est le plus beau jour de ma vie, avec Marc Labrèche et Anne Dorval. Une émission signée Francis Legault. La cigale chante dans cette coquette ruelle de Montréal où le temps semble s'être arrêté. Le soleil brille. La corde à linge laisse flotter les draps blancs, les têtes d'oreiller et la housse de couette en lin sur laquelle une fiente de pigeon sèche doucement. Dans la fraîcheur de son salon, Anne ne se doute de rien. Elle se préoccupe plutôt de la régularité de Marc. Toi, ça t'arrive trois fois dans la même journée? Trois, puis quatre. Puis à tous les jours? Toi, plusieurs jours de suite? Pas mal. Tu es heureux, hein? Ben oui. Tu te lèves le matin, puis ça commence, puis après ça, après-midi, puis le soir avant de te coucher. Le matin, là, je fais mon luth, je fais mon... Ton luth? Oui, je pratique mes accords de luth, je joue du tar aussi. Mais est-ce que tu prends une boisson chaude en te levant le matin? Je prends toujours un grand verre d'eau avec du citron. Ah oui? Oui, un grand verre d'eau. Avec de l'eau fraîche, avant de prendre ton café. Ah, tu prends ça, là, t'attends 20 minutes avant de prendre quoi que ce soit d'autre. Mon Dieu, c'est difficile. Hein. Moi, je me couche le soir, puis je rêve déjà mon café. Ben, c'est ça. Mais faut que t'as... C'est difficile. C'est ça. Faut que tu conditionnes. Ouais. Ben, tu vas prendre ta douche. Moi, je vais prendre ma douche, me rase, je fais la trim. Coupe les ongles, tout ça. Je fais mon petit triangle pubien. Puis tu nettoies ton... Hein? Ton petit... Mais c'est vrai que c'est pas que je veux parler de... Mais cette région-là, il faut l'entretenir parce que... Oui, je le sais. Puis toi, t'as déjà eu une coloscopie. Moi, j'ai eu ça. Ouais. Moi, j'ai eu ça. Il paraît que c'est obligatoire à partir de... Ben, pourquoi 45 ans, là? Oui, dépendant s'il y a des antécédents familiaux, mais je pense que c'est 50 ans. T'as pas d'antécédents familiaux? Non, j'ai pas. J'ai personne... Il y a pas de cancer du col? Non, personne n'a un anus. Il y a personne qui a un anus. Ah non, c'est ça. Ça fait pas de sel. Moi, j'en fais et pas non plus. Toi non plus. Non, moi, je suis une sainte. Mais oui, c'est vrai. Oui. Ça, c'est comme. Mais moi, j'ai eu ça, puis c'est beaucoup moins pire. Non, c'est vrai, Anne, je t'encourage fortement. Je le sais, mais fortement. Je veux pas y aller. C'est une zone privée, comprends-tu? Que je veux pas qu'on me joue devant des médecins qui. Non, avec toute une équipe. T'es gelé comme une balle. T'es gelé comme une balle. Puis t'es nettoyé parce qu'ils t'ont donné un stuff. Ils t'ont donné un petit jus. Moi, ils m'ont pris, ils m'ont fait prendre une pinte de petit jus que je suis allé chercher. Là, ce petit jus-là, 48 heures avant? Ah, la veille. Moi, ils m'ont dit, regarde, vous prenez ça la veille. Là. Fait que là, tu prends la bouteille, puis là, t'attaques. Puis là, moi, il se passe rien. Je dis, ça marche pas, la maudite bouteille, ça marche pas. Et j'ai pas fini ma phrase que je t'ai rendue. Puis moi, j'ai une télé dans le bain. pas dans le bain, mais elle est accrochée. Fait que j'ai passé à veiller là. J'ai regardé tout le match des Canadiens entre le bain, puis hop, fallait que je me relève, j'aille là, fallait que je retourne dans le bain. En tout cas, je me suis puis comme... Puis t'es convaincu que quand il te passe la caméra, tout est propre, c'est bien, bien estiqué. Je l'ai vu en écran 16-9. Oui, vraiment, la Panasonic, la belle, là. Avec les noirs sont noirs, les rouges sont rouges. Attends, là, Marc, mais là, c'est que... comment ça se passe. Là, tu baisses tes culottes, ils vont te regarder dans le trou fignon. Non. Pendant que tu fais semblant de te détendre, tu peux pas être détendu. Ah, t'es complètement détendu. T'arrives à 6 heures le matin. Il te pique? Non. Il gèle? Il gèle. Anne, c'est comme un petit tativant en arrivant, là, c'est parfait. L'ativant, ça marche pas. Ok, une démérole. Un démérole. Fait que là. Mais être veineux, hein. Tranquille, là. Non, ça marche assez. Ça fait. Ça, c'est très le fun du démérole. J'avais une madame à côté de moi qui. Parce que c'est des petits rideaux, là, tu sais. Et là, moi, j'attendais. Fait que là, j'étais comme sur. L'ativant commençait à faire effet. Puis j'étais en petite jaquette, puis tout ça. Puis je me préparais à m'offrir. Puis là, la madame qui est venue, il y avait une madame à côté de moi, derrière le petit rideau, qui, elle, revenait d'en faire une. Ils sont allés voir son dedans pour savoir si son dedans était correct. Puis là, la madame, elle arrive à côté, elle se fait rouler dans le lit. Puis là, j'entends tout ça à côté, guégling, le lit qui arrive. Il y a juste un petit rideau. Puis là, il y a le petit rideau. Puis là, l'infirmière dit, alors, Madame Dugas, ça a super bien été, bravo. Merci. Madame Dugas, là, t'es encore gelée. Madame Dugas, là, je vais vous demander quelque chose, par exemple, Madame Dugas, puis il faut que vous soyez bien attentive. À partir de maintenant, Madame Dugas, si vous avez envie de péter, faut pas se retenir, Madame Dugas. Vous comprenez bien, hein? Non, mais non, moi, je pète pas. Ben, c'est comme moi. Il y a des gens oui, qui... Ben, non, ouais. C'est ça. Ah. Mais elle disait ça, Madame Dugas. Puis elle disait, non, Madame Dugas, c'est pas une blague. Si vous regardez votre air en dedans, ça, vous allez peut-être vous allez exploser, Madame Dugas. Faut pas. Il y a beaucoup d'air qui est rentré là. Je me sens avec bien. La caméra, il y a eu beaucoup d'air qui est rentré en même temps. Puis tout ça. Puis on a poussé le tuyau. Puis c'est rentré, puis on est allé jusqu'au bout. Puis là, il y a beaucoup... Là, il faut que ça sorte. Ça saigne-tu? Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, vraiment pas. Puis là, Mme Dugas dit, non, on pète pas. Là, elle dit, non, Mme Dugas, vous allez péter, puis il faut que vous pétiez. Non, on pète pas. Fait que là, elle est restée là, puis ils ont dit, savez-vous quoi? Je vais vous donner une petite pilule juste pour vous détendre, puis vous allez péter. Non, pète pas. Puis on va prendre ta pilule, mais pète pas. Il va prendre la petite pilule, elle tire le rideau, elle dit, laissez-vous aller, Mme... Elle dit, je péterai pas. 30 secondes après que la garde était partie, oh non! J'entends... Puis là, j'entends... Il est pété. Collé, j'ai pété. C'était le plus beau jour de sa vie. Toujours partant pour un verre de vin blanc, le voisin Joseph débarque sans prévenir. Avec lui, sa guitare et son ami contrebassiste, dont le nom est Kevin, ou peut-être Troy. Are you ready for a first take? A perfect one. The magic one. Because I'm bilingual. Yes. I love to speak English. English. Oh, I love it so English. Much. In my face. Quand le ciel sera moins gris, tu me tendras les bras. Anne prépare un guacamole dans laquelle elle met beaucoup d'avocats. Marc sort du frigo une bouteille de Sancerre. Ils attendent la visite de l'ami d'un ami, le docteur Michel Boivin, gastro-entérologue depuis 30 ans. Prendriez-vous un petit verre de vin? Absolument. OK, bon. Ça, c'est gentil, bien. Ça. Oups! Est-ce que... Pourquoi j'ai choisi la gastro-entérologie? Oui, ouais, c'est ça que je me demandais. Pourquoi il y a tellement de... Ben, j'ai réfléchi, puis je me disais... dans mon passé, mon père était plombier. Ah, c'est bon. Donc, il y a un système de la plomberie a eu un effet sur moi. Oui. Et quand j'étais un petit garçon, mais j'aidais mon père à faire des réparations. Et après, c'est drôle. Dites-vous qu'en gastroentérologie, presque un patient sur deux qu'on voit ont des problèmes digestifs qu'on appelle fonctionnels. La constipation est un exemple. Ah, la diarrhée est un exemple. Les irritations sont un exemple. Donc, il y a plein de symptômes que les personnes accusent qui ont une répercussion importante sur la qualité de vie. Ben oui. Ah oui, oui, mais oui. On ne connaît pas. Puis c'est moins tabou. Est-ce que c'est moins... C'est vrai que c'est moins tabou que ce livre parce qu'il y a un livre qui s'appelle... qui a un délicieux titre, « Le charme discret de l'intestin ». Tout sur un organe mal aimé, qui est publié chez Actes Sud, qui a été écrit par Julia Henders, puis qui a été un grand best-seller, qui s'est vendu partout beaucoup. Partout dans le monde, ah oui, apparemment. Ça a été traduit en je ne sais pas combien de langues. Est-ce que vous êtes au, vous la, connaissez je l'ai feuilleté, je ne l'ai pas lu au complet, mais okay. Je l'ai feuilleté. Est-ce que c'est bien? La vulgarisation, on a besoin de ça pour permettre aux patients, aux individus, de pouvoir en parler ensemble, comme on fait aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et d'en parler à leur médecin, parce que le monde sont gênés d'en parler avec leur médecin. Et quand ils veulent me parler que vous allez à la toilette à quelle fréquence, ils me disent, ben, je vais au numéro 1 ou au numéro 2. Des anciens concepts. Ben oui, comme des enfants, c'est Et puis là, à ce moment-là, je demande à des dames qui consultent plus que les hommes. Parce qu'elles ont plus de problèmes, souvent. Les femmes sont plus inquiètes de leurs problèmes digestifs que les hommes. Les hommes consultent plus parce que ça les fait grossir. Ça les fait grossir, ça les rend inconfortables. Et s'il y a parfois l'émission d'un gaz rectal qui est normal, c'est pas bien perçu d'avoir un gaz recto par une femme. Pour un homme, ça se passe. Ça devient presque dans un code. Ben oui. Ça devient presque un code. Oui, oui, on se reconnaît entre nous, évidemment. Lorsqu'on fait des enquêtes, on voit que tant les hommes et les femmes ont des problèmes gastro-intestinaux, presque 20 % de la population a des problèmes gastro-intestinaux. Mais ce sont les femmes qui consultent plus. OK. Puis c'est essentiellement un problème dans les problèmes les plus courants, c'est la constipation, j'imagine. Vous, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a plus de femmes constipées que d'hommes? Non, mais c'est parce que moi, toutes mes amies, on a toutes eu ce problème-là, puis on s'en parle entre nous, puis on essaie de se donner des petites recettes, puis on s'est rendu que je surveille ce que je mange. Je peux pas manger de la viande avec des pommes de terre à côté. C'est fini, je sais que je vais être bloquée pour les 4 prochains jours cause d'un repas. C'est épouvantable. Mais je pourrais vous poser la question... C'est quoi la constipation pour vous? Ben, la constipation, c'est... Belle question, ben, la constipation. Qu'est-ce que vous dites à votre médecin? Je suis constipé. Oh, ben, je ne lui parle pas à mon médecin. Ah, je ne lui parlez pas à votre médecin? Ben, c'est parce que je le vois rarement. Je n'aime pas aller voir un médecin. Mais, mon Dieu, qu'est-ce que je lui dirais? Ben, c'est que je ne vais pas à la selle nécessairement tous les jours. Je peux vous l'assurer. Ça, je n'y vais pas tous les jours. Non, okay. non, ça ne m'arrive pas. Donc, la constipation peut être décrite en termes de fréquence, ça va, je ne vais pas à la selle tous les jours. Et aussi, d'autres symptômes, c'est que je vais à la selle, mais je n'ai pas l'impression d'avoir une évacuation complète. Ah bon? Ah, ça, c'est un Ça vous arrive, ça? Je ne sais pas, là, je vais me poser la question. Vous, Marc, est-ce que ça vous arrive? Une évacuation complète, si j'écoute mon enfant intérieur, oui. Mon enfant intérieur me dit que quand j'ai fini, j'ai fini. Ah oui. Moi, souvent, je suis en deux... Apportes-tu un livre? Apportes-tu ton iPad? Non, parce que j'espère toujours que ça va être assez rapide, parce que j'ai d'autres choses à faire. Oui, je comprends. Et là, j'ai un petit élan le matin, je vais prendre mon café, un petit élan. Et là, si le téléphone sonne ou si je parle à quelqu'un trop longtemps et qu'il m'empêche d'y aller tout de suite, ben là, c'est fini. C'est fini pour les 3 prochains jours. C'est épouvantable, ça. Le matin, il faut respecter notre réflexe gastro-colique. Ça veut dire quoi, ça? C'est que quand on mange le matin, on se réveille. Déjà, le colon, on se réveille. Ah oui? Est-ce qu'il y a besoin d'un petit jus de citron? Est-ce qu'il y a besoin de... Ensuite, on dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller manger un petit déjeuner. Donc, si on prend un petit déjeuner, on libère certaines hormones dans le sang qui vont faire une stimulation au niveau du côlon. Si on prend de la caféine, la caféine est un stimulant pour les hormones au niveau du côlon. Donc, vous êtes dans un moment opportun pour aller déféquer. Oui. Mais qu'est-ce qui arrive, malgré tout ça? Vous avez une sensation de vouloir déféquer, mais vous êtes pris. Vous avez la toilette qui est occupée par vos enfants. Vous devez travailler, vous devez partir. Donc, à ce moment-là, vous inhibez votre réflexe gastro-colique. Et 5 minutes après, c'est trop tard. Et c'est trop tard. Donc là, vous allez être pris au lendemain. Puis le lendemain, peut-être qu'il va se représenter le même pattern. Ouais. On a fait un projet de recherche chez les individus sains. On leur disait, si vous inhibez votre défécation, on vous paye de façon supplémentaire à tous les jours. 25 $ par journée, vous inhibez 50 $, 75 $ pour voir combien de temps un individu pouvait inhiber sa défécation. Et après, la défécation devait se produire, et on regardait combien de temps après avoir inhibé ce réflexe-là, ça revenait. Ça peut prendre jusqu'à une semaine. Donc, dans votre vie quotidienne que vous avez, si vous l'inhibez régulièrement, vous entraînez, vous perdez ce réflexe-là et ça va vous entraîner de la constipation. Ah. Donc, le réveil matinal, la défécation matinale est importante. OK. Ah, ça, c'est sûr, comme... Ben, ça, oui. Ça part tellement bien une journée. Puis, ben oui, mais j'allais dire justement... Est-ce qu'on a mesuré chez ces gens-là qui s'étaient retenus pendant longtemps l'incidence que ça avait sur leur humeur générale, sur leur capacité de fonctionner dans le travail, agressif peut-être des meurtriers? Il y a un langage qu'on commence à comprendre. On commence à comprendre ce langage-là entre l'intestin et le cerveau. Oui, ça se fait. Et le cerveau et l'intestin. C'est un langage qui est bilatéral. On a souvent attribué la constipation peut être responsable de les douleurs articulaires, de la fibromyalgie, des troubles de mémoire, de la dépression. Donc, il y a beaucoup de cas qui sont rapportés, mais peu ou pas de preuves scientifiques. Toutefois, je crois profondément au langage qui se passe entre les deux. On peut conditionner nos muscles striés. Je bouge mes mains actuellement. Ça, je peux dire bouge, bouge pas. C'est mon cerveau qui donne la commande. Ouais. Dans le système digestif, les seuls endroits où je peux avoir un contrôle, c'est mon sphincter anal. Je peux dire, j'arrête, attends, quand je déciderai, tu t'ouvriras. C'est ça, stop ou mais encore, tout le reste du système digestif, encore. C'est du muscle lisse. Les patients nous rapportent souvent que l'effet du stress a une influence sur le système digestif. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut reprogrammer le cerveau? Certaines études ont démontré que l'hypnothérapie, entre autres, la méditation, la relaxation, entraîne des influx qui arrivent au niveau du système digestif et qui entraînent qu'on peut voir que le système digestif est beaucoup plus calme. Est-ce qu'on peut visualiser, faire de la visualisation positive sur le fonctionnement de notre intestin? Est-ce qu'on peut se visualiser dans une condition optimale, magnifique, d'une défécation complète et en harmonie? Une libération. Est-ce qu'on peut méditer là-dessus? Puis ça nous arrive, ça. Je vais vous donner une expérience que... Dans ma profession de gastroentérologue, je fais souvent des coloscopies. Oui, oui. Je vais aller voir à l'intérieur avec une petite caméra. Ah, mais ça, j'ai plein de questions à vous poser là-dessus. Moi, j'ai aimé ça. Moi, j'en ai jamais eu et j'ai très, très peur de ça. Bon. Donc, on va voir à l'intérieur. Oui. Puis à ce moment-là, les patients reçoivent une certaine médication pour rendre l'examen plus confortable. Oui, oui, évidemment. Et là, les patients découvrent, ah, c'est beau, c'est rose. C'est ça qui me dit. C'est propre. Donc, c'est toute la... On va dire, oh, là, ça sent pas bon, ça va être désagréable. Donc, on sent que, c'est un organe qui est agréable à explorer. Et lorsque... Mais c'est vrai! Mais absolument. Je ris parce que c'est vrai. Oui, pardon, je vous coupe, mais c'est vrai que c'est agréable à explorer. Et lorsqu'on pèse sur le ventre de la personne, des fois pour positionner la sonde, puis que je pèse sur le ventre de la personne, puis je dis, regardez, puisque vous êtes constipé, regardez quand je pèse sur votre abdomen, pendant que je vois le tube à l'intérieur, ça bouge. Donc, ça permet de dire, lorsque vous êtes constipé, lorsqu'on fait des petits massages abdominaux, comme on fait aux enfants. Ah oui, ben oui, exactement. Ça permet des fois de normaliser le transit. On peut s'asseoir sur la sécheuse. On peut s'asseoir sur la sécheuse, si vous voulez. On peut s'asseoir sur la sécheuse, comme j'assoyais mes enfants pendant les coliques. Oui, oui, oui. Mais vous dites, j'ai fait la même chose avec mes enfants. Lorsque les enfants avaient des douleurs abdominales, je les assoyais sur la sécheuse parce qu'il y a un mouvement puis de la chaleur. Ben oui. À ce moment-là, ça permettait de diminuer les douleurs abdominales. Oui, mais ça, c'est des petits intestins tout roses, tout frais, là, des petits intestins qui sont neufs. Je ferai une coloscopie à une personne de 25 ans, une personne de 95 ans, le même tableau s'ouvrirait à moi. Ah oui, vous avez tout le même paysage. C'est le même paysage, la beauté, il n'y a vraiment pas de dire, la peau a vieilli, il y a des certains rides, absolument pas. C'est-tu magnifique, ça? On voit que le système digestif garde son intégrité. Qu'est-ce qui peut provoquer un cancer du côlon? Est-ce que c'est quelqu'un comme moi qui a tendance à être constipé tout le temps? Est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'il faut que j'aie une coloscopie maintenant? Alors, bientôt? Je posais des questions sur votre âge, puis là, je pense que ça serait peut-être un peu indiscret. Oui, mais vous le savez à peu près. Disons. Dites-vous que le cancer du côlon étant le troisième cancer chez la femme, donc, c'est une chose qu'on peut prévenir. Pour la prévention du cancer colorectal, vous êtes à risque, vous avez probablement en haut de 40 ans. Mm-hmm. Je suis gentil, là. Oui, vous êtes très bon pour moi. Et à ce moment-là, c'est qu'on suggère aux personnes, surtout qui ont une histoire familiale de polype ou de cancer ou de d'autres maladies, de subir un examen de prévention. Ça peut être une recherche de sang dans les selles, tout simplement. OK. Et si la recherche de sang dans les selles est positive, à ce moment-là, ça permet d'aller voir pour trouver la lésion précancéreuse qu'on appelle des polypes. Ouais. Il y en a même qui vont se faire irriguer le côlon. Bon. Hein? OK. Bon, vous, vous avez été... Non, j'ai jamais été irrigué du colon. Madame Dorval, mais... jamais? Ben non, j'ai jamais... Non, personne n'est venu jouer dans mon colon. Jamais, jamais. Non. Je veux pas qu'on joue dans mon colon. Non, non, t'as le... colon. C'est un peu gênant, là. Ouais. Bon... Peut-être que je vous confierai mon colon un jour, je ne sais pas. Mais je vais manger beaucoup de fruits, beaucoup, beaucoup de légumes. Ouais. D'ici là, je vais tout faire. Parce que ce n'est pas obligatoire non plus d'avoir une coloscopie ou d'avoir une irrigation du colon. Ce n'est pas obligatoire. Non, je vous dirais que... Si je fais bien attention. Moi, irrigation du colon, je vous dirais que c'est même pour moi une contre-indication. Ah bon? Ça, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que les idées se voulant que vous promenez puis dire, vous venez vous faire désencrouter votre colon. Donc, tu à ce moment-là, lorsque le monde arrive, ils se font irriguer avec différents produits au niveau du colon, puis ils voient arriver des sels. Ils disent, regardez, votre colon était encroûté. Moi, au contraire, je leur dis, quand vous passez une coloscopie, qu'on fait un lavage par en haut. Ah oui. Vous vous souvenez? Et à ce moment-là... Tout un match du Canadien. C'est un match du Canadien. Les trois périodes, les entre-périodes, ça, excusez-moi, je vous dis, c'est parce que c'est un souvenir extraordinaire pour moi. Un des grands moments de... J'en ai eu des belles journées dans ma vie, là. Mais celle-là, là, ça topait pas mal. Excusez-moi. Est-ce que les Canadiens ont gagné tout ça? Oui, les Canadiens ont gagné en plus. Alors, j'avais deux joies qui, parallèlement, s'acheminaient vers ma nuit. C'était extraordinaire. Puis le lendemain, ben, comme vous avez dit... Mais ça, c'est un laxatif très doux que vous donnez quand vous voulez que les gens se vident comme ça. C'est un liquide qui n'est pas absorbé, qui va simplement migrer le long de l'intestin puis qui va simplement être excrété par les selles. Je te jure, Anne, en tout cas, fais comme tu veux de ta vie. Mais parce tout que le monde n'a pas eu cette expérience-là. Non, c'est parce vrai, que moi, j'ai entendu des gens qui pour eux, ça a été une horreur. La coloscopie, parce qu'il n'y avait pas le petit démérol, justement, puis que ça leur a fait mal. Oui, oui, non, mais ils n'aimaient pas ça. Mais ça leur fait mal, je dirais. La relation qu'on développe avec quelqu'un est excessivement importante. C'est important parce que lorsque les personnes arrivent pour se passer cet examen-là, ils ont une crainte, ils ont une inquiétude. Ben oui, ils ont une inquiétude d'avoir une maladie, qu'on découvre quelque chose d'anormal déjà, et d'avoir mal. Donc, je vous dirais l'importance de l'ambiance de l'environnement qui permet à ce moment-là à l'infirmière de réassurer, de l'aider en lui disant que oui, il peut avoir certaines craintes, mais de l'aider aussi avec des médicaments qui enlèvent la douleur, l'inconfort et de faire ça tout en douceur. Mais tous les médecins ne sont pas comme vous. Mais je pense que vous êtes très, très près de vos patients aussi. Vous, vous l'avez dit tout à l'heure, vous accompagnez des mourants aussi. Vous les aidez, vous les accompagnez dans la mort d'une certaine façon. Puis vous me disiez que vous aviez perdu quelqu'un aujourd'hui même. Mais dites-vous que c'est ça la beauté de... Je dirais des professionnels de la santé. J'irai plus loin que les médecins. Les médecins, on est un des membres. Je pense que l'importance de l'équipe pour qu'on est au bénéfice de l'individu. Mais aujourd'hui, ça devait être une journée particulière quand même, à chaque fois que vous perdez quelqu'un. Oui, c'est une journée particulière. Dans cette bataille-là. Avez-vous l'impression d'avoir... C'est un échec. Avez-vous l'impression que... Ben, c'est que... Pourquoi je me suis impliqué? Parce que c'est pas un échec, c'est offrir un choix. D'offrir un choix. Les soins palliatifs, j'y crois complètement. C'est que c'est important, notre fin de vie, c'est ce qu'on a une maladie incurable, d'avoir du monde qui connaisse ça et qui vous accompagne. Extraordinaire. Mais les personnes que j'ai vues ont dit, bon, il y a les soins palliatifs, il y a d'autres formes d'approche, mais ils m'ont dit, c'est le temps de partir pour moi. Ah oui. J'ai vu une personne aujourd'hui, entre autres, qui avait passé, il y a un mois, un voyage au Mexique extraordinaire. Elle revient... Et là, un problème digestif X qui fait qu'on fait des examens et on trouve qu'il y a un cancer du pancréas métastatique. C'est-à-dire, là, il me reste entre 3 et 6 mois peut-être à vivre. Elle a décidé à ce moment-là, dire, après, on va parler à ses enfants, dire, c'est le temps de partir pour moi. J'ai réalisé ma vie. Mais vous êtes sûr de ça quand il y a... Parce qu'on dit tout le temps, tant qu'il y a de la vie, de l'espoir, on espère, on a besoin d'espérer aussi. Par moment, est-ce que il n'y a pas quelque chose dans la recherche qui pourrait arriver un mois avant, puis je comprends. Prolonger la vie de quelques mois au moins? Ces choix-là, dans notre vie, il faut prendre le temps d'en parler avec différents experts ou différentes familles, puis de voir, dire qu'est-ce qui est bon pour moi. Ah oui, absolument. Moi, je veux dire qu'il est toujours. Puis si quelqu'un veut dire, ben moi, je désire continuer à vivre. On va lui donner le maximum pour lui améliorer sa qualité de vie. Mais je vous dirais que lorsque j'étais impliqué aussi avec des patients avec une maladie d'Alzheimer, et lorsqu'on se promène les unités, des patients qui sont atteintes, puis c'est triste de les voir avec une qualité de vie qui est très pauvre. Moi, je disais à ma conjointe que si je pouvais dire que dans... si je développe ma maladie d'Alzheimer puis que je me retrouve dans cette condition-là, aide-moi. Mm-hmm. Parce que je ne veux pas être comme ça. Mais actuellement, le cadre légal, le cadre de la société, on n'est pas rendu là. Mais on va y arriver. Mm-hmm. On commence, on est tout début. Actuellement, on est excessivement prudent. Ouais. Et je salue l'équipe qui est autour, qui prend une attention particulière. Ouais. Mais c'est dur pour la famille, c'est dur pour... Mais les personnes qui se font aider à mourir ont une sérénité. C'est beau de voir la sérénité. Pas, ouais, ouais. Mais regardez, aujourd'hui, la fille me disait, dire, va voir Dominique. Dominique était son mari, qui était décédé depuis environ 10 ans. Donc, il y a espoir d'aller quelque chose. C'était un message un peu magique, mais c'est important. Donc, c'est un peu hors sujet, là, mais quand même. C'est absolument intéressant. C'est très juste que vous dites. Moi, c'est la plus belle phrase d'amour que qu'on m'a dite, là. C'est celle de Gaétan, c'est qu'elle allait mourir. Je te l'ai conté, ça, je pense, déjà. Ton petit papa. Qu'elle allait mourir, puis je savais pas trop quoi y dire, puis on m'avait dit c'est probablement aujourd'hui, puis tout ça. Fait que je me précipite à l'hôpital. Et là, je le vois, il avait son masque, là, il était bon. Et puis là, je sais pas trop quoi y dire, mais je me couche dans le lit, puis là, je prends la tête, puis là, j'attends un moment où je pense qu'il m'entend, puis là, je dis tu vas aller retrouver plein de monde que t'aimes, tu sais. Puis là, il a juste la force d'enlever son masque, puis de me dire, en se concentrant, là, tu sais, pour être bien certain d'être compris, oui, mais pour ça, il va falloir que je laisse celui que j'aime le plus. Là, il a remis son masque. Oh mon Dieu. Il m'a regardé puis il est parti. Mais c'est la plus belle déclaration d'amour qu'on m'ait dite, là. Puis c'est ses dernières paroles. C'est-tu assez magnifique? Mais en même temps, vous avez laissé votre père, c'est qu'il vous a dit ça, un témoignage très touchant. Ouais. C'est non, père, tu sais, là. Et là, il vous a laissé aussi en disant oui, on va se quitter. Mais vas-y. Donc, vous avez lui donné la permission. Oui, oui, oui, de partir. C'est pas mesurable, ces choses-là. Non, non, non. Mais la permission de partir, puis malgré toute la tristesse que ça peut avoir. Oui, mais la libération prend tellement... L'idée de libération prend tellement de place. Puis l'idée d'arrêter de le voir souffrir devient beaucoup plus importante. Et c'est là que le côté altruiste, c'est-à-dire, dans le fond, je vais te manquer pour moi, mais je te laisse aller, parce que c'est pas une vie que t'as. And all your charms whenever I want you. All I have to do is dream. Dream, dream, dream when I feel blue. In the night and I need you. To hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine, anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so, that I could die, I love you so. And that is why whenever I want you, all I have to do is dream, dream, dream, dream, dream. I can make you mine, taste your lips of wine, anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so. I could die, I love you so. And that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Dream, dream, dream, dream. Dream, dream, dream, dream. Étendu sur le sofa de cuir Bourgogne, Anne s'évente. Marc retire de son sac ses lunettes et un livre usagé. J'ai apporté du chalet un livre qui s'appelle « Retrouver l'enfant en soi ». Ah oui? de John Bradshaw. Mm-hmm. T'avais envie de lire ça? Ah, plusieurs fois. Mm-hmm. Alors, le sous-titre, c'est « Partez à la découverte de votre enfant intérieur ». Puis je sais pas, il y a comme il y a tout un passage. C'est très... Toi, t'as perdu ton enfant intérieur? Ben je l'ai pas perdu parce qu'on le perd jamais, là, mm-hmm. d'après ce que John dit. Ah oui? Mais il faut, des fois, il faut y parler. Okay. Puis des fois, on pense que... En fait, il est en dedans, puis il crie au secours, l'enfant intérieur. Mais on le porte en nous. Okay. Et il souffre quand on ne l'entend pas. Okay. Quand il appelle au secours puis qu'on ne répond pas, il a très mal. Ben oui. Parce que moi, j'ai fait l'exercice. J'ai fait l'exercice, oui, c'est comme un quiz? Non, c'est même comme pas. C'est juste une... C'est... Est-ce que tu veux t'abandonner à moi? Moi, je suis toujours prêt à m'abandonner. Je vais te parler. Comme si tu étais en état d'hypnose, par exemple. Je vais te parler doucement. Ah, mais moi, ça ne marche pas, l'hypnose. Non, c'est pas de l'hypnose. Ah, c'est juste comme si comme tu t'abandonnes. Comme si j'avais 4 ans d'âge mental. Non, tu vas voir, je vais te parler. Okay. Je parle vraiment à... Moi, je peux-tu te répondre? Ah oui, j'aimerais ça que tu me répondes, OK? Je vais te répondre. OK. Alors, c'est juste que tu n'es pas obligé de faire tout ce que je dis. Non. Mais je te le dis quand même. OK? Comme moi, je l'ai vécu, OK? Quand on me l'a fait. OK. Ça m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'il faut être deux pour faire ça. Ben oui, c'est toujours mieux de se faire dire les choses par quelqu'un. On peut se les dire soi-même, mais là, pour cet exercice-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté de toi. Bon, ben, coudonc. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Rentrez légèrement le bas-ventre en inspirant et relâchez votre bas-ventre en expirant. Attends. Okay, là, je l'ai rentré, là. OK. Là, tu lâches les lousses. Lâche les douces, le nez, la respiration? Ou le bas-ventre. Ah, ouais. En comptant jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. On va le recommencer. Si tu pouvais retenir ton souffle pendant 4 temps et expirer en comptant jusqu'à 8. Attends. Avec là, tu prends une grande swinf, là. 1, 2, 3, 4. OK. Puis là, tu retiens ton souffle pendant 1, 2, 3, 4. Puis là, tu expires en comptant jusqu'à 8. Bien tranquillement, tu slaques le bas-ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Concentrez-vous sur le chiffre 3 pendant que vous expirez. 3, 3. Là, je me concentre. Je le vois. Là, et tu gardes les yeux fermés. Oui. Tracez le chiffre 3 avec vos doigts ou entendez mentalement le mot 3. Je l'entends. Faites à présent la même chose avec le chiffre 2. Je l'entends aussi. Et avec le chiffre 1. Ben, je le vois. Je vois 1, 2, 3. Je vois les 3. Vous voyez maintenant le chiffre 1 se transformer en une porte. Ben voyons. Oui, tu le vois ça. Je ne vois pas du tout. Non, mais il faut que tu te c'est droit comme un colonnette. Ah oui, il faut que tu te fasses. Ah oui, je la vois. Oui, comme une porte, oui. Vous l'ouvrez. Oui, je l'ouvre. Et vous vous engagez dans un long corridor sinueux. Oh, est-ce qu'il fait noir? Oui, puis il y a des portes des deux côtés. Mais ça, j'aime pas ça. Attends. Tout va bien aller. Voyez maintenant votre enfant intérieur âgé d'environ 5 ans. Oh. Cette fois, c'est la petite Anne. Mais oui. Imaginez que la petite Anne est sortie de la maison et qu'elle s'est installée dans la cour. Pourquoi faire? Aller à sa rencontre. Salut-la. Salut. Comment est-elle habillée? Elle a un grand T-shirt, beaucoup trop grand pour elle, avec une jupe un peu sale qui a traîné dans la boue, on dirait. C'est bizarre. C'est drôle. Je vois ça, moi. Quelle couleur, la jupe? Nu-pied, bleu. Puis nu-pied? Oui, nu-pied. A-t-elle une poupée, un ourson en peluche ou une pelle? Non, elle n'a pas de pelle, elle n'a pas d'ourson, puis elle n'a pas de poupée. S'amuse-t-elle avec un autre jouet? Non, elle est toute seule, elle n'a rien. Oh. Elle est dans de la boîte. Est-ce que vous pouvez lui demander quel est son jouet préféré en temps normal? C'est quoi ton jouet préféré? Puis qu'est-ce qu'elle répond, la petite Anne? Elle me parle pas. Eh bien, bête. Pourquoi elle parle pas? Mais je sais-tu pourquoi tu me parles pas? C'est bien niaisé, cette affaire-là. Non. Allô? Alors, demandez-lui si elle a un animal domestique. Ah oui? J'avais un petit chien, moi, quand j'étais petite. Ah oui? Puis je l'avais mis sur une petite table, pauvre petit chien. Pourquoi? Un petit bébé. Mais je lui parlais comme si c'était mon ami. Puis il comprenait pas qu'il... Il pouvait pas que la table était haute. Fait qu'il a voulu aller en bas, puis il est tombé, puis il s'est cassé la patte. Puis là, ben mes parents l'ont sorti de la maison. Je l'ai plus jamais revu. Ah, c'est vrai? Oui, puis je pense qu'ils l'ont fait euthanasier. Ben, peut-être. Parce qu'il y avait pas assez d'argent pour l'envoyer chez le vétérinaire. C'est de ma faute. Ben non, c'est pas de faute. Oui, il l'avait mis sur la table. Non, tu voulais y parler, tu voulais y faire plaisir. Mais faut pas que tu ouvres les yeux. Garde les yeux fermés j'ai comme ouvert. Ça. Ah, j'y referme. Non, okay. Moi, je t'ai pas vu les yeux ouverts. OK, oui. Elle a un chien. Pardon. Un petit chien noir. C'est ça, exactement. Alors, dites-lui que vous faites partie de sa vie future et que vous serez à ses côtés tant qu'elle aura besoin de vous. Ça, je me sens un peu niaiseuse de dire ça, madame. Non, mais on est entre nous. Mais je fais partie de ta vie future, puis je vais être là tant que tu auras besoin de moi. Entrez tu maintenant... Tu parles, par exemple, à un moment donné, à une année. Oui, c'est sûr que ça répond jamais. Ben oui, là, ça répond jamais. Entrez maintenant dans la peau de votre enfant intérieur d'âge préscolaire. La peau de mon enfant intérieur, ben j'y suis. Ah, c'est ça. Regardez votre moi d'adulte. Oui. Voyez votre visage aimable et bienveillant. Bien vieillant. Bien vieillant, oui, bien vieilli. Oui, non, je, non, le vois, je le vois, je le vois, je le vois, je le vois, je l'ai en pleine face. Écoutez votre moi d'adulte qui invite votre petit moi d'enfant à s'asseoir sur ses genoux. Ben voyons. Et acceptez si vous en avez envie. Accepter qui, elle ou moi? Elle ça, je ne sais pas. Ça, ben, c'est vraiment... Bon, c'est est-ce que tu acceptes de venir sur mes genoux? Oui, bon, oui, ben, t'es bon, là. Regarde, elle est là. Là. Okay. Ben, contente, puis moi mais aussi. Vous pourriez refuser, ce serait très bien aussi. Bon, ben, ça me tente pas. Okay. Va-t'en chez vous. Écoutez maintenant votre voix d'adulte prononcer lentement et tendrement les affirmations. Oui. Maintenant, merci. Les affirmations comme par exemple, je vais toujours être avec toi jusqu'à la fin. Oui, je vais toujours être avec toi jusqu'à la fin. Mais oui, on ne forme qu'un. Le chien, c'est pas de notre faute. Non, le chien, c'est pas de notre faute. Ben, je sais que c'est de ma faute. Mais pour les besoins d'exercice, là, c'est pas de notre faute. OK. Ou de menteuse. Maintenant, balayez du regard votre horizon mental. Ah, là, je peux ouvrir les yeux. Mon horizon mental. Ah, oui. Ah, oui. Ah, je voyez le chiffre 3. Oui, je le vois encore. 1, 2, 3. Sentez vos orteils. Ah, bien. Remuez-les. Ah, oui. Voyez le chiffre 2. Ben, je le vois. Sentez l'énergie qui se remet à circuler depuis vos jambes jusque dans le haut de votre corps. Ah, c'est bizarre, Chanry. Sentez l'énergie dans vos bras. Ben oui, ils sont là. Remuez vos mains. Allô? Sentez l'énergie qui afflue dans votre tête. Mais, mon Dieu, j'ai plus de tête. Dans votre cerveau. Oh, oui. Oh. Voyez maintenant le chiffre 1. Oui, je le vois, je le vois. Et ouvrez très lentement les yeux. Oui. Oh. Et étirez-vous. Hey, c'est bien niaiseux. Ça donne absolument rien. Non. Toi, tu l'as fait aussi? Non. Oh, maudit menteur, tu m'as dit que tu l'avais fait. Plongés dans la pop nostalgie, Anne et Marc ont presque oublié la présence de leur voisin musicien, légèrement aviné. Ouais. Marc, sinon tu préfères un petit intro, pas qu'on parle. Ouais. Mélanie, le gros du pain, comme ça. Ça un dentier qui claque. Il y a un des deux chanteurs qui meurt. Le dentier il tombe à terre. Continue de chanter. Mélanie, ne grandis pas comme ça. Mélanie, ne grandis pas comme ça. Mélanie, on a besoin de toi. Je sais bien qu'un jour tu paradiras. C'est la vie qui veut ça, Mélanie. Tu as pris du temps à venir. J'espérais tant de ton sourire, petite brune aux grands yeux bleus. Tu peux un jour nous rendre heureux. En guidant tes premiers pas, on te prendra t'éloigner de ceux qui t'ont tendu les bras et qui n'ont pensé qu'à t'aimer. Mélanie, ne grandis pas comme ça. Mélanie, on a besoin de toi. Je sais bien qu'un jour tu paradiras. C'est la vie qui veut ça. Mélanie, pourquoi faut-il te faire souffrir et mettre à nu ton petit cœur? J'aimerais mieux me faire mourir que de voir ma Mélanie qui pleure. Quand tu auras connu l'amour, un beau matin tu me diras. Tu me diras. Je voudrais bien faire à mon tour. Faire à mon tour. Tout petit enfant d'amour. Enfant d'amour. Mélanie, ne grandis pas comme ça. Mélanie, on a besoin de toi. Je sais bien qu'un jour tu partiras. C'est la vie qui veut ça. C'est le plus beau jour de ma vie. Avec Marc Labrèche et Anne Dorval sur ICI Radio-Canada Première. Yeah. Oh, Mélanie. Mélanie. Elle est où, notre Mélanie? Où t'as-tu pris, allez, Mélanie? Allez, viens nous voir, Mélanie. Ah, saute dans les lits. On aura du plaisir. Une vraie fille. Allez, saute dans la vie. Saute sur papa. Mort dans la vie. Allez, saute sur papa. Cette semaine, Marc a relu Tintin et le Temple du Soleil. Il rêve d'un voyage au Pérou. À défaut de temps, et parce que ce n'est pas la bonne saison, Marc veut s'initier à la flûte de Pan. Sur Internet, Anne a trouvé les coordonnées de Vitali Rutski, une sommité de la flûte de Pan. Il est d'origine moldave et Anne l'a invité à la maison. Mais moi, j'en connais pas de Moldave. Vous êtes mon premier. Vous êtes le premier Moldave. Merci. De Anne. Oh, je suis contente. Mais je pense qu'il n'y a pas aucun Moldave qui est venu ici. Non. Moi, je sais pas toi. Moi, ça fait à peu près 25 ans. Je trippe solide sur la flûte de Pan. Ah oui, hein? Solide, là. Oh. Est-ce que la flûte de Pan existait dans le temps de Bach et Mozart? Oui, est-ce qu'on écrit des partitions? En fait, ça fait déjà 6000 ans que la flûte de Pan existe, parce qu'on l'attribue vraiment à la mythologie grecque, au dieu Pan, qui avait des pattes de chèvre et puis des cornes, un peu moche comme ça, voilà. Ben, en fait, pour la flûte de Pan, pour en faire une longue histoire plus courte, là, avec le Pan qui tombe en amour avec la nymphe Syrinx, c'est comme elle ne voulait pas de lui, comme il avait ses pattes de chèvre et puis les cornes, et ça. OK, et alors, lui, excusez-moi. Alors, il y a un Pan avec des pattes de chèvre qui voulait séduire une nymphe qui ne voulait pas de lui. Non. Et elle voulait, et lui a donc décidé de la séduire en prenant, en gossant. Puis là, il a pris quoi? Il a pris du bois d'olivier, de l'osier, des roseaux. Pas vraiment. Non? Il a juste essayé de l'approcher. Elle s'appelait Syrinx. Syrinx? Oui. Il a essayé de l'approcher et elle a pris la fuite. À un moment donné, c'est la rivière qui coupe le chemin. Et puis, il commence à prier, se sauver, comme ça. Et puis, les dieux de la rivière l'ont transformé dans un roseau. Syrinx? Syrinx est devenu un roseau. Lui arrive, il n'a eu qu'embrasser un roseau comme ça. Ah, fait que là, il a mis ses bras autour de... Il a mis ses bras et puis c'était le vent. Il a joué dans les trous de Syrinx. C'est pas même pas lui, mais là, c'était juste, si vous voulez, le vent qui faisait... Un peu comme ça. Lui, il a eu l'idée, là... Lui, a l'idée, là, il coupe le roseau en 7 morceaux d'longueur inégale. En 7 morceaux. Comme quand on tire à la courte paille, là, pour savoir qui sera mangé. Ensemble, comme ça. Il allait dans le monde partout, et puis jouait de son amour, là. Il jouait de son amour, il mettait sa bouche sur ses reins, en 7 morceaux. Comme on joue de la flûte de Pan, c'est comme si vous souriez, comme si vous... Oui, ben c'est ça qu'il faut comme faire. Comme si on célèbre Syrinx, et puis quand comme si vous donnez des soufflets dans ses trous. Voyez-vous? Alors donc, la première chose qu'il faut savoir avant de poser sa bouche sur la sphinx, comment... Syrinx. Syrinx? Syrinx. Syrinx. Flûte de Pan. Si vous dites un flûte de Pan, vous ne comprenez jamais. Moi, est-ce que j'ai une bouche pour jouer ça? Oui, est-ce que ça prend une bouche pour jouer ça? Oui, ça prend une bouche pour jouer ça. On ne peut pas jouer avec d'autres choses. Quelle sorte de bouche? Une bouche, une grande bouche? Parce que vous avez... Pas tout à fait. Pas tout à fait. Une petite bouche... Vous avez une bouche fine, là? Vous avez une bouche moldave, la bouche moldave de base? Écoutez, il faut vraiment juste directionner de l'air. Toi, tu as une belle... Toi, tu as une bouche universelle. Non, pas une bouche universelle, mais... Allez, je vais essayer ça. OK. Ah oui, tu fais... Alors, pourquoi vous choisissez celle-là pour Anne? Parce que c'est la plus petite. Ah, il y en a une autre petite, là. Celle-là, est-ce qu'elle est plus petite? Il y en a une, ça l'aide à Vixi. Celle-là, c'est la même taille, mais celle-là est la mienne. OK. C'est la vôtre. Ah, c'est la vôtre. Pas touche à la vôtre. Non, la vôtre, ça, c'est sacré, puis non. Les enfants, tu dois toucher à la vôtre? Est-ce que ça se nettoie, ça? Ça se nettoie. On bombarde de questions. Ça se nettoie. Parce que c'est du roseau. Parce qu'on est bien excité, là. On peut pas mettre ça dans l'eau. Moi, je tripe solide. Attendez, ben, c'est du roseau. Du roseau, ça pousse dans l'eau. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui arrive? Vous voulez aller prendre une petite pause? Ah, il est parti à la selle. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, mon Dieu, mais voyons, t'es donc bien décidé. Quand on va de même, quand on va vers la droite, on pense que ça va monter, mais ça descend. Puis quand on va vers la gauche, ça, on pense que ça va descendre, mais ça monte. Ça vient dans le sens contraire. Ah, ben oui. Donc ça fait... Ça, je suis vraiment impressionnée en ce moment. Vous pouvez le faire avec mais j'ai vu livres. Que vous faites quelque chose avec votre langue. Oui, c'est ça, vous faites des wheelies avec la langue en dedans pendant que vous soufflez. Oui, mais en fait, la langue, vous voyez, c'est très important pour la flûte de pan. Puis le double. Puis il y en a des triples, là, vous voulez... C'est le triple déjà. Hey, et puis, quand on fait plus, et la vitesse, ça donne par la langue beaucoup, beaucoup. Oui. Puis, donc, la première chose, par exemple, c'est... Anne était déjà très, très habile avec sa langue. Oui. Est-ce que... si moi, je veux... Comment... Est-ce qu'il y a des exercices à faire avant? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est, les exercices? Est-ce qu'il faut... Je sais pas si. Oui, ça ou si c'est beaucoup. Non, pour le triple que vous faites, ça fait le tukutu. Pour faire le triple. Tukutu. Tukutu. Tukutu. Tukutu. Si on pratique ça, ça va plus vite. Attends, je vais essayer. Tukutu. Oui. Tukutu. Ah, ben oui, mais. Tukutu. C'est pas. Ben, on dirait que je lui parle, hein. Non, j'entends les andes, moi. Oui. J'entends les andes, hein. On entend-tu la laine d'Apaga? Elle est très, très bonne avec sa langue. J'ai cette sorte de choses-là. On est fous, on rit. Mais jouez-nous quelque chose. Oui, est-ce qu'on peut jouer à un jeu? Mettons, vous jouez quelque chose, puis on essaie de deviner qu'est-ce que c'est. Un jeu, tous ensemble. Oui. Ben, on va deviner, jouer quelque chose que... Puis on va essayer de deviner qu'est-ce que vous jouez. Ah oui, en fait, le plus vite possible. En fait, c'est une excuse pour vous écouter jouer parce qu'on adore... Mais vous pouvez aller dans le répertoire classique aussi, là, tu sais. Vous pouvez jouer ce que puis vous voulez. Puis on va vous montrer notre inculture. Puis nous, on va jouer. Nous, on va avoir l'air fou, je pense bien. Ah oui. Ben oui, je capote, là, je dirais... All the way in the foliage trees. Ça prend du temps avant d'être capable de faire des beaux fruits de même, là, des... Est-ce que vous connaissez Belgazou? Non, vous pouvez pas la connaître. Belgazou, c'est une... C'est une chanteuse, mais même les gens de la nouvelle génération la connaissent pas non plus ici. Hein. Il y a juste nous qui connaissons ça. Belgazou, c'était une chanteuse qui a fonctionné très, très fort. Il y a une chanson qui s'appelle « Que je rêve de jouer à la flûte de pan ». OK. All right, let's talk. Okay. Talk about it. If you don't ever want to see the borders, talk about it. Ah oui. All right, let's talk. Oui, mais il ne peut pas comprendre, maman. Okay. Il ne peut pas comprendre. Ça, est-ce que... La, la, la. La, la, la, la, la, la, la. Arrête-moi. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. C'est presque ça. C'est presque ça. Oui, c'est presque pas du Belgazou. Je capote. Du Belgazou, mais Moldave. Voulez-vous qu'on fasse un petit morceau ensemble? Oh oui. Anne, vous prenez la note numéro 4. La note numéro 4, c'est laquelle? C'est de ré, ça? C'est do. Ah, c'est le do, c'est ça. Vous faites toujours 4 fois, comme ça. Oui, c'est dring, dring, dring, que désirez-vous, yeah. Allez, on va le chercher. Très bien. Oh yeah, c'est beau ça. Très bien. Ah, c'est quatre bonne, fois. Hein. Et puis, vous prenez la note juste à côté de cette la cinquième? La sixième. Ça, c'est un mi. Sixième. La sixième. C'est un mi. OK. Waouh. Parfait. Parfait. Vous faites toujours sur la même 8 fois. Vous faites 4 fois sur le do. Une fois, vous descendez 2 fois. 2 fois, vous descendez et puis vous remontez 2 fois. Ça fait... Allez. Okay. Très bien. Deux. Non, juste à côté. Ah, c'est comme un rêve, moi. Ah, oui. Calique. On essaie encore une fois. deux. Deux. Parfait. Parfait. On le fait. C'était bonne, Anne. On le fait. Moi, je rentre vous faites là-dedans. Tout le temps, tout le temps. Ah, moi, je fais toujours la même autre. Toujours la même note. Ah, ouais, moi, pour vous, c'est la plus difficile. Gars, là, c'est la plus difficile. C'est la plus difficile, toi, il vient de le dire. Allez, on l'essaye. OK. Et puis, le timing, hein, vous allez nous servir le micro. On a juste deux, un, deux, pour y aller. Un, deux. Parfait, oh, on y va ensemble. Bon ah, mais je suis capable de tomber. C'est la plus belle journée de ma vie. On se partit un band. Ben, ouais, on y va ensemble. Zamfir Sisters. Ben, ça va être ça. Ça va être là maintenant une musique qui est composée pour la flûte de pan. Un, deux. C'est vraiment magnifique. Un grand blond avec une chaussure ben, noire. Ben oui, c'est ça, c'est Pierre de Vladimir Richard, Cosma. De Vladimir voilà. Cosma. Et on peut-tu le faire? Ah non, mais on peut-tu en faire un petit bout un petit peu plus long? Oui, c'est mais si vous le faites deux fois, ça va être la première partie. OK, on va le faire deux fois, OK? Deux on fois. Fait deux fois ce qu'on vient de faire là. Oui. Toi, ça va être pareil. C'est huit fois la même affaire. Moi. Je capote, je sais. Je sais que c'est plate. C'est un moment passé. Je regarde mon trou de nymphe, là, puis je suis vraiment ému. Comment ça s'appelait, donc? Sphincter. Non. Rix, Sphinx. Syrinx. Syrinx. Astérix. Astérix. Astérisme. Astérisme. OK, okay on parfait. Y va. On y va. OK. Avec deux temps. Oui, oui, toujours avec deux allez. Temps. Ben oui, c'est un, bien comme... Attends deux minutes. Je trouve pas mon trou. Attends. Ah, il n'y a pas de trou. J'ai pas trouvé mon trou. C'est le sixième, toi, okay. Non? Allez. OK. Attends, moi, je suis au quatrième. Avec deux temps. Un, deux. Hey, c'est-tu magnifique? Hey, moi, c'est. Avez-vous. La... Moi, je veux la sonnerie de téléphone. T'es trompé de trou? Ben, je pense que j'allais au troisième trou, au lieu du quatrième. C'est pas grave. J'étais tellement mêlée, j'étais trop nerveuse. Hey, c'est magnifique. Ça, là, merci. Hey, ça, c'est donc bien fun. Merci infiniment. Petite devinette pour vous. Oui, allez-y. Oh, c'est ça, des petits. Ben, oui. C'est Mozart, c'est ben, oui, Chopin. C'est que tape. C'est magnifique. Ça, c'était magnifique. Oh, mon Dieu, que j'aime oui. Ça! Hey, comme mon me, Dieu, que ça rend heureux de la musique. Vous êtes heureux, hein, vous? Vous êtes heureux. C'est comme de la poésie dans votre bouche aussi. C'est presque, ouais. Presque liquide. Hein? Exactement. C'est fluide, vous ça avez flotte, des, la poésie dans la bouche, vous avez la poésie dans le pied, puis vous avez du liquide partout. C'est le plus beau jour de ma vie, avec Marc Labrèche et Anne Dorval. À la recherche, Thomas Leblanc. À la technique, Dominique Beaudoin et Patrick Knoop. À la guitare, Joseph Marchand. À la basse, Morgane Moore. Adjointe à la réalisation, Camille Parent. Un merci particulier à Sylvie Julien. Cette émission est signée Francis Legault.